16, activation orale, les saisons. Vous allez entendre un petit dialogue. Écoutez-le, puis répondez aux questions ci-dessous. Vérifiez avec l'enregistrement. Moi, j'aime beaucoup le Luxembourg. Même quand il fait mauvais. Même en hiver, sous la neige. Au printemps, quand les marronniers sont en fleurs. En été, quand il fait si bon à l'ombre, près de la fontaine Médicis. En automne, quand on ramasse les feuilles mortes à la pelle. 1. Quand est-ce qu'il y a de la neige? 2. Évidemment. 2. Quand est-ce que les marronniers sont en fleurs? Au printemps. 3. Quand est-ce qu'il fait bon à l'ombre? En été. 4. Quand est-ce qu'on ramasse les feuilles mortes? En automne.